Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance maximale, votre émission d'intérêt ludique. Et non, nous ne sommes pas sur les ondes de CKIA FM cette semaine. Enfin, une émission spéciale en direct de Génimé 2013 avec des artisans du festival. On fait un spécial vidéo aussi. Première fois qu'on va faire ça, c'est un test. On espère que ça va bien marcher. On a M. Andrew Castegan à la console qui n'est pas visible présentement. Salut Andrew. Bonjour M. Michaud. Comment s'est passée ton expérience à Génimé? À date, ça va très bien. Mon portefeuille ça sent pas bien, mais moi, ça va bien. Excellent. On va commencer juste pour représenter tout le monde. Après ça, on va tout de suite parler avec M. Luc Biron parce qu'il doit aller se coucher. Donc, M. Julien Materne, qui est notre spécialiste BD, qui va être là. On va lui parler un peu plus tard. Chantal Campagna aussi, alias Fraulein Evil, de Distribution d'Outre, que vous attendez habituellement au téléphone, mais qui est présente aujourd'hui. Salut Chantal, ça va bien? Ça va super bien. On va se parler un peu plus tard de tes jeux, parce qu'on en a quelques-uns sur la table ici. On va montrer ça aux téléspectateurs pour cette édition spéciale. Et bien évidemment, M. Luc Biron, président de la Société d'animation japonaise de Gatineau, qu'on a entendu il y a deux semaines à l'émission. Et là, on le voit en personne. Salut Luc, comment ça va? Ça va, oui, ça va très bien. T'as oublié de m'appeler Biron. Biron Zilla aussi pour tes incartades face à d'autres organisations et des personnes que tu n'aimes pas. Mais parlons plutôt de ton festival. Bien écoute, sûr. Moi, je suis toujours content d'être là parce qu'on est toujours bien accueillis à Géanimé. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer, entre autres, Mme Jackie Berger. On va avoir des entrevues qui vont être diffusées sur le site Internet également. Tu nous as offert cette opportunité-là. Merci de nous accueillir encore cette année, Luc. Il n'y a pas de problème, ça me fait un grand plaisir. Et là, on va parler du festival. Comment ça va de ton côté? Là, ça va bien. Oui, ça va mieux. Ouais. Il y a toujours des pépins qui arrivent qu'on contrôle pas. Cette année, les pépins étaient un petit peu plus gros avant le début du festival, mais bon, maintenant, aussitôt que le festival est parti, il n'y a pas eu de problème technique. Là, Luc, je sais que t'es vraiment... Je sais qu'on fait du direct, là, mais Luc, s'il te plaît... parle dans ton micro. Okay. Oui, c'est ça que j'allais dire. Je sais que tu es beaucoup ma personne, mais il faut vraiment que... Salut, Philippe. Donc, tu nous disais... Philippe, chef de la sécurité à Génimé, vous voyez, très sérieux. Donc, c'est ça, le stress est tombé. Mais là, il faut dire qu'on est samedi soir. Mm-hmm. Il est 22h20, ouais. Quelque chose du genre. C'est quoi ton bilan présentement du festival? En ce moment, tout va comme prévu et selon les prédictions. Le monde est content. Oui, J'ai vu que dans les ateliers avec les invités, il y a du monde. Le monde est intéressé. Tout à fait. La voix de Terry Hawk, ça a fait des miracles. La même chose pour la voix d'Esteban qu'on avait ici. Le monde a aimé le show de Noise, pas à peu près. Bon, ils n'étaient pas nombreux, mais c'est pas grave. Ils l'ont aimé. Il y a du bruit. Un gros show, ouais. Oui, même pas beaucoup de monde. Un gros show pareil. C'est incroyable. On a des Japonais qui sont contents. Les marchands sont contents aussi. Oui, une grosse salle de marchands encore, dont Chantal fait partie. En fait, c'est en l'air plus petite en réalité parce qu'il y a trop de tables dans la salle. Ça déborde de stock. Ça n'a aucun bon sens. Vraiment... Puis les marchands ont amené plus de stock, mais ils ont quasiment tous vendu déjà leur stock, déjà en partant. Excellent. C'est ridicule. On aime ça. On aime ça quand ça va bien comme ça. Écoute, Luc, on voulait un petit bilan rapide. On va te laisser aller parce que tu dois aller dormir oui. parce que demain est un autre jour et ça continue demain à Janimé 2013. Tu viens pas, c'est pas me tirer les verres du nez pour me dire « Hey, pour 2014, qu'est-ce qu'il va avoir? » Écoute, je voulais pas en arriver là. Je t'aurais parlé demain, mais écoute, si tu le proposes, on s'est parlé hors d'onde il y a quelques semaines. Tu m'as parlé de certains noms. Est-ce que tu peux nous confirmer quelque chose pour l'année prochaine dans les invités? Celui que tu voudrais, tu ne peux pas. Je peux pas te le garantir. Ah. Par contre, en juin, on devrait peut-être avoir une nouvelle. Par contre, en mai ou en juin. Donc, tu viens me revoir en mai puis en juin pour une émission spéciale, puis je vais t'en parler. Excellent, on va t'appeler, Luc, pour des confirmations. Mais on a déjà des invités confirmés. En fait, une troupe, en fait. Donc, l'orchestre de jeux vidéo sera à Janimé. En tout cas, on a un accord de principe pour le moment. Nous devrions avoir en 2014 l'orchestre de jeux vidéo. Excellent, un autre beau show, parce que là, cette année, il y a eu beaucoup, beaucoup de beaux spectacles. Ça continue pour l'année prochaine, pour l'édition 2014. Oui, c'est sûr, on peut pas lâcher ça dans le procédé. On ne lâchera pas là-dessus. On a eu des nouvelles activités qui ont vraiment bien pogné. On a vraiment aimé le show du Gros Baka. Il y a eu même ici, Janimé a pogné avec un écran merdique. Ben, il y a des problèmes techniques, ça. On en a toujours, malheureusement. Tout à fait. Écoute, Luc, merci d'être passé rapidement à l'émission. On te souhaite une belle fin de festival. Oui, moi, je vais aller me coucher. Ma douce moitié matin, parce qu'elle ne sera pas douce dans pas grand temps. Excellent. Bon, ben, bon repos, Luc. Merci beaucoup. Pas de trouble. Donc, on va continuer à notre... Ben, je vous rappelle d'abord que Puissance Maximale, c'est un site Internet, le www.puissancemaximale.com. Pour aller écouter nos émissions, dans ce cas-ci, l'émission qui va être enregistrée, ben, on va vous poster ça sur le site. Puis on va avoir, évidemment, une page YouTube pour mettre la version vidéo, bien plus évidemment. Plus de travail pour moi! Et oui, Andrew, il va avoir plus de travail pour toi. Donc, vous pouvez aller aussi sur le Facebook, donc le www.facebook.com, bien évidemment, pour ceux qui ne s'en rappelaient pas, tapez... Ben, Puissance Maximale dans la barre de recherche et vous allez nous trouver très facilement. Appuyez sur le bouton « J'aime » parce que nous, on vous aime. Là, je vous le dis dans le blanc des yeux, mesdames et messieurs, parce que c'est vrai. Et voilà, vous pouvez aller voir sur le site Internet et nous retrouver très facilement. Alors, Monsieur Castegan, on va retourner à notre habitude. On va avoir de la musique, là, on revient, on va venir avec nos invités tout de suite après avec Chantal qui va nous parler jeux de dés pour cette édition. Et avec quelle musique on va commencer? Quelle chanson? La chanson d'une des invités, Iroulan, que tu as eue en entrevue. New Horizon, qui est la chanson qu'elle a faite pour le jeu Island 3. Ilis 3. Oui, effectivement. Moi et Andrew, on était là pendant le concert. Excellente chanteuse, de très belles chansons. Puis on vous envoie ça à Puissance Maximale. Et non, ce n'est pas sur les ondes de CKIAFM.com, mais ça va être sur le site Internet de Puissance Maximale. Donc, on vous envoie ça à Puissance Maximale. We set sail, left the old world behind. In the sunset, who knows what we'll find? Our route ahead is foretold in the cuts over the sea. More. êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de Géanime 2012. Alors, de retour à Puissance Maximale après une chanson d'Irulande qu'on a entendue au concert cet après-midi. On vous rappelle qu'on est à Géanime 2013, il est 22h30. On est dans la Gaming Room d'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas. On l'a montré en photo aux derniers où on était venu, mais là, vous pouvez voir la grandeur de Gaming Room. Vraiment un beau choix. Puis en plus, juste en arrière ici, c'est des tables où il y a des tournois de cartes qui sont offerts par les gens de Carta Magica. Puis on se disait que quel meilleur endroit pour faire notre émission spéciale que dans la Gaming Room de Géanime 2013. Et là, on va y aller avec une collaboratrice qu'on entend au téléphone souvent à l'émission, Mme Chantal Campagna de Distribution Audio. Comment ça va, Chantal? Ça va super bien. On est fatigué, mais c'est Géanime. C'est toujours le fun. C'est électrisant. C'est une convention. Donc, on a des gros horaires, puis on travaille fort en même temps. C'est tellement positif comme atmosphère ici. Les gens sont heureux, ils sont contents, de bonne humeur. C'est fabuleux. C'est toujours extrêmement énergisant en même temps que c'est fatigant. C'est comme une espèce de paradoxe dans ton corps et c'est fabuleux. Mais il faut dire, c'est ça, que là, on t'a pas rencontré comme ça au hasard. Là, tu fais partie de la salle des marchands. Là, tu vends beaucoup de dés parce que nous, à chaque année, à chaque fois qu'on te voit dans les conventions, on achète des dés. Moi et M. Castegan, on en profite. Et là, tu es venu nous montrer des jeux aujourd'hui. Nous montrer, pour une fois, pas juste nous en parler, mais nous les montrer, certains jeux de dés que les gens peuvent se procurer en magasin pour nous donner un peu l'envie d'aller dépenser nos sous en magasin. Tu vas nous montrer quelques trucs. Bien, certainement. Écoute, les jeux de dés, c'est toujours des jeux qui sont vraiment faciles à montrer. C'est facile à apprendre. Et tout le monde aime ça. Jouer aux dés, c'est hyper tactile. C'est vraiment trippant. Tout le monde aime ça, taponner des affaires. Donc, on est allé avec vraiment des jeux de dés aujourd'hui, des jeux super simples. Et on va commencer par un de mes coups de cœur 2012, parce que ça date de l'année passée. C'est quand même assez vieux. Ça s'appelle Bears. Et Bears, finalement, c'est le jeu des campeurs. Donc, on va se retrouver avec 5 dés comme ça, avec des fusils, des tentes ou des coureurs. Et il va falloir faire des paires. Donc, c'est un jeu de rapidité et d'observation. Donc, on va sortir ici les dés. On a des dés de tente et des dés d'ours. Et c'est ces dés-là qui vont servir à faire des paires. Et c'est ce qui va nous donner des points. Alors, je ne sais pas ici si on peut voir la carte de points. Donc, par exemple, si on est capable de faire une paire entre un ours et un fusil, ça va nous donner un point à la fin de la manche. Si on a un dormeur avec une tente, ça peut nous donner 5 points, mais ça peut nous faire perdre des points. Pourquoi? Parce que en faisant des paires, les joueurs vont retirer des dés du milieu. Et lorsqu'il n'en reste seulement qu'une sorte, donc soit des tentes ou soit des ours, on va crier « Bears! » Et c'est là qu'on va compter. S'il reste seulement des ours, nos paires de dormeurs avec des tentes vont se faire manger. Donc, on va avoir un moins 2 pour cette paire-là. Par contre, s'il reste seulement des tentes, notre dormeur dans la tente va pouvoir passer et finir sa nuit en faisant des beaux rêves dans le camping où il n'y a plus d'ours, ils ont été éradiqués. Donc, c'est vraiment un jeu comme ça de rapidité. Ce qui est très, très bien, c'est que nos dés ici noirs, on peut les relancer. Donc, on n'est pas obligé d'être pogné. Par exemple, ici, j'ai lancé 2 fusils, 3 dormeurs. Je peux relancer pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Donc, c'est beaucoup de bruit. On joue debout. C'est beaucoup de dés. C'est beaucoup de taponnage. Donc, on est toujours un peu à bout de souffle. Mais c'est des parties qui sont très courtes. C'est 10 minutes de fun intense. Donc, on parle de combien de joueurs environ? C'est de 2 à 4 joueurs. Je dois avouer qu'à 2, c'est un petit peu moins excitant. Mais à 4, c'est vraiment hyper chaotique, bordélique. C'est vraiment génial à partir de 7 ans. Mais je dois avouer que les amateurs de stratégie ne trouveront pas, là, n'en auront pas pour leur argent avec ce jeu-là, c'est sûr et certain. Mais les amateurs de jeux de dés vont adorer. Et à quel prix qu'on peut trouver ce jeu-là? On va retrouver ça dans tous les bonnes boutiques de jeux au Québec à 20 $. C'est 19,99 $ plus la taxe. Fait qu'un bon jeu qu'on peut emmener un party de famille, là, puis se faire ça. Party de famille, camping, voyage. C'est une boîte qui est hyper compacte. C'est très, très cute. Et on se sert de la boîte ici pour brasser les dés de camping. Des questions que ça fasse plus de bruit. Hein. Pour que ça fasse plus de bruit aussi, c'est « Ah! » C'est ça. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, notre deuxième jeu qui est vraiment très, très bien, c'est Zombie Dice. Zombie Dice, c'est quoi? On est des zombies, on a faim, on veut ramasser le plus de cerveaux possible. C'est génial, nos cerveaux se retrouvent sur des dés comme ceci. Donc, on va retrouver des dés avec les symboles suivants. Donc, les cerveaux, ce sont des délicieux cerveaux lunch qui valent un point chaque. Nous avons ici des dégâts parce que nos victimes se défendent avec des shotguns. Et nous avons ici des petits pas lorsque notre victime a été trop rapide et a été capable de nous échapper. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire à Zombie Dice, c'est qu'on va tirer 3 dés au hasard. Parmi les 13, on va les lancer, on va garder de côté les cerveaux, on va garder de côté les dégâts et les petits pieds, on va les relancer. Notre tour va durer aussi longtemps qu'on veut, mais si on ramasse 3 dégâts dans le tour, dans le cours d'un tour, on va perdre tout ce qu'on a ramassé pendant ce tour-là. Quand un joueur arrive à 13 cerveaux ou plus, on va faire un dernier tour et c'est celui qui va en avoir le plus qui va gagner. Il y a une extension qui est sortie dans le temps de Noël qui s'appelle Zombie Dice 2 Double Feature. Et ça nous amène 3 nouveaux dés. On a le héros ici qui est plus fort. Donc, lui, il a un double shotgun. Il fait les doubles dégâts. Pratique le shotgun avec les zombies. Et par contre, il est tellement beau et tellement magnifique que lorsqu'on le déguste, il est vraiment très, très mium. Donc, il vaut 2 cerveaux parce qu'il est vraiment délicieux. Oh, mais je l'aime pas, moi, cette expansion-là. Il est trop dur. Jusqu'à ce qu'il pogne le bon dé, Andrew. C'est le Père Noël. Le Père Noël est vraiment génial. En fait, on a le dé rose ici, qui est le dé de la poupoune. Alors, la poupoune, malgré ses talons, elle court très vite, donc elle peut s'échapper 3 fois. Et le héros et la poupoune peuvent se sauver. Donc, par exemple, si j'ai déjà capturé le héros et que je lance la fille en shotgun, elle va pouvoir venir sauver le héros et le retirer des griffes des zombies qui l'avaient capturé. Le Père Noël, oui, rend les choses un petit peu plus difficiles parce que le Père Noël offre des cadeaux aux zombies. Donc, il va offrir, par exemple, un casque pour rendre le zombie plus résistant. Il aura besoin de 4 dégâts au lieu de 3 pour se faire achever. Il peut aussi offrir aux zombies une boisson énergisante pour que le zombie devienne un zombie rapide, comme dans 28 Days Later. Ouais. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir attraper tous les petits pas verts qui essaient de s'attraper. Ensuite, quand il se fait attraper, il peut nous offrir 2 cerveaux pour qu'il a attrapé envers d'autres victimes, pour nous les offrir en cadeau. Évidemment, il peut aussi nous offrir un cadeau empoisonné et nous faire des dégâts. Donc, on va retirer des dés réguliers pour insérer les dés d'expansion avec Zombie Dice. Mais on parle de partie de 10 minutes à partir de 2 joueurs jusqu'à 1000. Ça dépend de combien de temps vous voulez jouer. Une autre belle suggestion. En fait, il y a quelques jeux ici dont on a déjà parlé à l'émission, mais vu qu'on les avait sous la main, là, toujours pratique de les voir à la caméra. Et là, on va voir un autre jeu. Est-ce que tu vas nous parler du jeu qui est tombé? Je vais vous parler du jeu qui est tombé ici et dont j'ai des pièces de remplacement sous la main par hasard. Alors ici, on parle de... C'est un jeu qui s'appelle Yam Master et c'est un jeu d'origine française et on reprend le principe du Yum que tout le monde connaît. Donc, je veux faire des combinaisons. Je veux 3-3, 3-4, 3-5. Je veux une suite. Je veux un sec. Sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais choisir les combinaisons que je veux réaliser pour être capable de faire des lignes avec les pions de ma couleur. Quand je réussis à faire une ligne de 3, que ce soit en diagonale ou en ligne droite, ça me donne un point. Donc, on a un point ici, un point ici. Si je fais une ligne de 4, ça me donne 2 points. Et si je fais une ligne de 5, peu importe les points, je m'en fous, je viens de gagner et allez hop, cascade, c'est tout. Donc, on va vraiment prendre les mêmes règles que le Yum. Donc, je lance... Je vais mettre de côté ce que je veux garder. Donc ici, par exemple, j'ai fait une suite. Donc, je pourrais prendre la suite. Par contre, je l'ai lancé du premier coup. Donc, c'est aussi un sec. Donc, je pourrais prendre le sec ou la suite. Ou évidemment, si tout c'est déjà tout pris, je pourrais relancer pour essayer de faire quelque chose de mieux. Mais quand même, je trouve que live à la télé, faire un sec, effectivement, c'est bien. Ça paraît bien, hein, quand même. Pour le démontrer, mais, le jeu, c'est excellent. C'est pas arrangé avec le gars des vues. C'est ça le pire. Donc, Yam Master Travel, ça vient avec un beau plateau en bois comme ça, qui est vraiment magnifique. Mais il y a aussi la version travel ici avec un plateau qui est en carton avec le même matériel. Donc, on retrouve quand même les petits pitons en bois, on retrouve les dés, mais évidemment, c'est plus abordable et c'est surtout plus portatif. On a oublié de demander tout à l'heure pour Zombie Dice, on s'en tire autour de combien? Zombie Dice, pour le jeu de base, on s'en tire à 15 $ et puis l'extension Double Feature se détaille à 8 $. Double Feature est seulement disponible en anglais pour l'instant, mais va devenir disponible en français là, d'ici le printemps dans toutes les bonnes boutiques de jeux partout au Québec. C'est drôle qu'on parle de langue avec des jeux de dés. Ouais. C'est les règles, c'est tout non, simplement c'est ça, les règles. C'est toujours très drôle. Et pour, oui, parce qu'on parle, on parle de règles... Ouais. Mais bon, ça fait toute la différence parce que, sérieusement, si cette règle était écrite en russe, pour moi, ça serait illisible. C'est sûr, si on y va, si on va aux extrêmes... C'est cela, quand on ne parle pas anglais, c'est difficile. Voilà. Donc, pour, c'est simplement ça. Pour Yam Master, il y a la version... Yam Master Travel, ça détaille à 18 $ dans toutes les bonnes boutiques. Et Yam Master Ordinaire, là, on parle d'un prix un petit peu plus élevé, d'une 50aine de $. Donc ça, c'est quand on veut faire un beau cadeau à sa belle-mère. C'est un plateau qui est en bois, c'est quand même... Avec du petit tapis, c'est du petit feutre. On a aussi des pitons en buis, n'est-ce pas? Donc, c'est quand même un beau jeu, mais on n'est pas obligé d'aller avec la version de luxe. On peut s'acheter séparément une magnifique piste de dés en bois qui va pouvoir servir pour tout plein d'autres jeux aussi en même temps. J'en veux une. Écoute, tu iras t'en acheter une, Andrew. Ensuite, pour notre avant-dernier jeu, c'est Cthulhu Dice. Donc, comme disait Julien ici tantôt, comment se faire des ennemis ou comment perdre nos amis? Donc, avec Cthulhu Dice, ce qu'on essaie de faire, c'est de voler la santé mentale des autres joueurs. Donc, on va en donner 3 ici à Julien. Je vais en prendre 3. Le pote ici dans le milieu appartient à Cthulhu. Donc, tout le monde, évidemment, tous les auditeurs savent qui est Cthulhu pourquoi on parle de santé mentale. Mais ce que j'appelle ça, ce jeu-là, c'est qu'il y a une façon que personne gagne. Alors, Cthulhu gagne. Cthulhu peut effectivement gagner comme dans la vraie vie. Effectivement, parce que Cthulhu existe dans la vraie vie. Exactement. Donc, la façon dont on va fonctionner, c'est qu'on va attaquer les autres joueurs pour leur voler la santé mentale. On les attaque à l'aide d'un superbe dé 12 ici avec des belles petites images. Et selon le symbole, quand on va rouler, on va avoir un effet différent. Donc, avec la grosse tentacule, par exemple, on se transforme en monstre, on va voler une santé mentale chez l'autre joueur. Si on a la petite tentacule, on lui fait perdre une santé mentale, etc., etc. Un tour complet, c'est une attaque et une réplique. Donc, quand on l'attaque, Julien contre-attaque. Donc, moi, si je lui fais perdre de la santé mentale, il peut m'en faire perdre à son tour avec son attaque. Si à la fin d'un tour complet, attaque, contre-attaque, il reste un joueur avec de la santé mentale, il gagne et il paye la tournée. Si personne n'a de santé mentale, tout le monde est fou et c'est Cthulhu qui a gagné. Et c'est lui qui paye la bière. Mais bon, Jack Cthulhu. Tu n'as qu'à l'expliquer à la waitress. Mais c'est des jeux, ça veut dire que c'est un jeu qui dure un tour rapide. Cthulhu Dice, c'est des parties qui durent environ 5 à 10 minutes maximum. Parce que quand on est fou, quand on n'a plus de santé mentale, on continue à jouer quand même. Donc, on n'est jamais seulement spectateur passif, là, OK, vous finissez la game, gnagnan. Parce que quand on est fou, on ne peut plus se faire attaquer parce qu'on n'a plus de santé mentale. Mais par contre, blablabla, on est rendu cultiste de Cthulhu, on peut très bien voler de la santé mentale ou leur faire perdre plutôt à la santé mentale pour la donner à Cthulhu, qui est maintenant notre maître. Mais ce que j'aime bien ce jeu, c'est que ça se tient dans la poche, honnêtement. Puis c'est le jeu parfait, justement, pour les conventions, les files d'attente. T'es deux, trois amis, t'attends, tu sors ça de tes poches, et voilà, tu joues 5 minutes, ça passe le temps au cinéma ou en convention, surtout en convention. Puis on se tente pas de ce jeu-là. Non, effectivement. Non, c'est jamais pareil, effectivement. On peut s'en enclencher il y a une dizaine, puis... C'est ça. Comme si rien n'était. Et ça se retrouve dans toutes les bonnes boutiques de jeux aussi. Ça se détaille à 8 $. Ça vaut même pas la peine de s'en passer. On le retrouve aussi, il y a plusieurs itérations. Il y a Cthulhu Dice métal, on a Cthulhu Dice de différentes couleurs, 4 couleurs ordinaires. On a aussi Cthulhu Dice en ploche. Donc, Cthulhu Dice, en fait, c'est quelque chose qu'on peut collectionner, mais à la limite, ça nous tente. Mais à la base, ça reste quand même un jeu vraiment très, très bien. Et notre dernier jeu, c'est DTC. C'est un jeu de cartes. Là, je vais sortir un peu de mon cadre de dés que j'avais décidé de faire, mais DTC, c'est trop bien, c'est un jeu de bluff. Nous, ça fait depuis ce matin qu'on joue à DTC dans le kiosque, ouais. Et on rit comme des fous, et on a contaminé les kiosques autour de nous aussi. Donc, DTC, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « donne tes cartes ». Les Français vont grincer des dents parce que c'est pas vrai, en fait. Les Français, DTC, c'est une expression française qui veut dire à peu près « dans ta face », c'est baveux un peu. Donc, finalement, DTC, ce que je vais faire, c'est essayer de faire amasser des cartes à mes adversaires. Et je vais faire ça comment? Je vais bluffer. Donc, je vais faire une offre et l'autre joueur va avoir le choix de l'accepter ou de renchérir pour faire monter les enchères. Donc, par exemple, ici, je vais offrir à Julien 3-1. Alors, il a le choix de dire « parfait, je les prends » et de renchérir avec plus de cartes ou une offre supérieure ou de dire « non, tu mens », de m'accuser. Et à ce moment-là, on va vérifier. S'il avait raison, j'avais menti, je vais prendre les cartes, ça devient mon malus en fin de partie. S'il avait tort, c'est lui qui va prendre les cartes et il va repartir avec une nouvelle offre. Donc, c'est vraiment du bluff et, ça va, et on peut faire monter les enchères quand même assez longtemps parce que dans le jeu, il y a plein de jokers qu'on peut intégrer à notre jeu. Donc, finalement, ici, j'ai 3-1, j'aurais pu dire j'ai 5-1, j'ai 10-1. J'ai 18-1. Et c'est au joueur à voir, est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est vrai? J'ai vu passer des 1, j'ai pas vu les jokers. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est des parties très rapides qui durent une dizaine de minutes pour les amateurs de bluff, pour les amateurs de Pirudo, les amateurs de démenteurs. C'est génial, hyper portatif, dans toutes les bonnes boutiques, 13 $. Excellent. Merci beaucoup, Chantal. Puis là, avant d'arrêter là, cette chronique-là, j'aurais juste si on pourrait montrer certains dés que tu nous as apportés, des gros dés 20, parce que là, on l'a dit tantôt avec Andrew, à chaque fois qu'on voit Chantal en convention, on achète des dés. On s'est permis des dés qu'on appelle des dés de précision. Moi et Andrew, c'est des dés qui n'ont pas été mis dans la culbuteuse là, pour les user. Puis Chantal doit être contente parce que sérieusement, mon budget dés, je l'ai défoncé cette année. Effectivement, on a fait des beaux achats. Puis Andrew a fait des achats de dés en pierre semi-précieuse. Donc, elle va gagner quand elle dit « c'est semi-précieux et vert ». Je pense que Chantal, je vais peut-être juste les tasser un peu plus pour s'assurer que la caméra puisse les voir. C'est vraiment des beaux dés. C'est ça, il y a du semi-précieux, mais aussi, vous voyez, la taille du D20 est assez impressionnante. Alors, j'ai fait une sélection, en fait, des dés en métal. Ce sont des D20, c'est des D20 de 35 mm qui se détaillent à 20 $ chacun. Et en fait, c'est parce qu'ils sont magnifiques. Donc, on a ici des pieds. Ça, c'est un dé qui est en jade. On a du quartz, de l'obsidienne des neiges. On a de l'hématite. Et ça, ce que ça fait, c'est des beaux cadeaux. C'est sûr que... Peut-être que des fois, ça ne rentre pas dans notre budget de dés, mais pour moi, un budget de dés, c'est aussi intangible que la grandeur de l'univers, parce voilà. Que ça se peut pas. Quand on aime les dés, on va toujours trouver quelque chose qui vaut la peine. Donc, on a des dés comme ça qui sont quand même assez pesants, et les dés en métal comme ça sont vraiment très, très bien. Ils sont géniaux. C'est un dé qui pèse 500 grammes. On parle d'une livre, là, OK? Et pour ceux qui vont dire, ah, ben là, ma table en vitre, gnang, gnang, gnang, c'est pour ça que ça existe des pistes de dés, parce qu'il faut vraiment se laisser aller. La table, ah oui. Une table, ça se remplace. Lancer ça, c'est quelque chose qui... C'est priceless, comme dirait Mastercard. D'ailleurs, si vous avez Mastercard, c'est facile d'acheter des beaux dés comme ça. Effectivement. C'est même dangereux si vous avez Mastercard. Non, c'est sûr que c'est toujours dangereux, mais c'est des dés, je pense, qui sont vraiment magnifiques et qu'on voit pas beaucoup parce que les propriétaires de boutiques, évidemment, osent moins un peu parce que c'est des items un petit peu plus de luxe. Mais quand même, pour quelqu'un... Si vous connaissez quelqu'un qui aime, par exemple, les dés et qui aime le vert, vous savez que c'est un cadeau qui est assuré, vous allez vraiment... T'es-tu en train d'essayer de me convaincre d'aller en acheter d'autres demain? Non, pas du tout, mais en fait, j'ai fait de la subliminale pour convaincre d'autres personnes. Donne-lui ton argent, donne-lui ton argent. Donc, on a du quartz ici, des belles substances naturelles, c'est vraiment génial, ça rajoute... Mais je dirais que le quartz, là, il est très beau. Le quartz est absolument magnifique. Puis, il faut dire que tu as ça dans plusieurs formats en plus. Il y en a des mini-dés, les standards, puis il y a cette grosseur-là. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Écoute, Chantal, on est vraiment très heureux de t'avoir eu en chair et en os à puissance maximale pour notre première en vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, Chantal. Ça m'a fait plaisir. Et on va se réécouter ensemble. On va se reparler là, au téléphone dans les prochaines semaines, prochains mois pour d'autres chroniques jeux. Je peux pas attendre. Merci beaucoup, Chantal. Et on va continuer en musique, M. Castigan. Oui, avec une toune de Brent Tolfra. Ça va être une courte pause parce qu'ils sont pas très longues. Castlevania 2 with lyrics de Brent Tolfra. Et vous entendez ça à puissance maximale. Trevor, whipping hearts, inhaling zombie parts. I'll find your body parts so I can put you back together. I'll race all over the place, and when I find your face, I'm gonna slip as back as big as back. I got your nose, and I found your toes, and your elbows, and your tiny penis. Oh my god, it's so tiny. How'd you ever have sex with this thing? Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Dracula, I will attack you, bro. You'll be spectacular. When I set you on fire, track appears every 100 years, but he'll cry bloody tears and wish he never was a vampire. I'll race all over the place, and when I find his face, I'll amass his balls of brass, and when I find his ass, I'm gonna kick it. I'll race all over the place, and when I find your face, hey, you track, I got you in a sack, you better watch your back, cause I'm a vampire killer. Ha ha ha, bam! This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Alors, de retour à Puissance Maximale avec M. Julien Materne. On va jaser convention aujourd'hui, on va jaser activité. Écoute, Julien, on a participé à l'organisation de conventions à Québec. On a fait beaucoup dans les équipes d'organisation de différentes conventions. Là, on est à Géanimé, il doit être environ quoi, 22h50. 52, donc là, ça fait presque une heure qu'on est là. Et il est samedi soir tard, donc on peut faire déjà un petit bilan. Comment va ta convention? Jusqu'à maintenant, bien. Je dirais que ça fait du bien d'être à la semi-retraite, ouais. Malgré le fait que j'ai fait encore beaucoup à Géanimé cette année. Mais on est loin de mes premières armes à Géanimé à 12 heures de panel. On est à 4 heures de panel et 2 activités cette année. Là, moi, j'ai été vraiment impressionné hier. On est arrivé vendredi soir. Il y avait du monde sur le plancher de la convention. C'est la deuxième année, je crois, que Géanimé est ouvert 3 jours. L'année dernière, c'était plus tranquille. Cette année, vraiment impressionné. Il faut dire qu'il y avait eu un concert du groupe Noise, un groupe japonais. Il y avait quand même certaines personnes qui étaient là spécialement pour ça. Mais là, il y avait vraiment du monde. Est-ce que tu penses que là, Géanimé est sur une aire d'aller différente de l'année dernière? Là, les gens savent que c'est ouvert le vendredi puis on est au rendez-vous. Je crois que le mot se passe. La convention grossit, c'est certain. C'est la cinquième année, d'ailleurs. Cinquième année, oui. Le mot se passe. La convention est de plus en plus connue. En l'extérieur, les locaux sont déjà au courant de ce qui se passe. C'est sûr que le monde extérieur l'entend parler, viennent. Je crois qu'effectivement, il y a des dragons pour venir. Ouais, c'est ça, non. Les fameux dragons entourant l'île de Montréal. Et ouais, mais c'est ça. Moi, j'avais parlé avec Monsieur Mathieu Charon, là, qui est à la technique, puis aussi tout ce qui est inscription, puis il me disait qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui viennent de Québec, qui viennent de Montréal. C'est sûr que principalement, c'est des gens. Il y a eu du monde de la Gaspésie aussi. Oui. Une ou deux personnes qui viennent de la Gaspésie jusqu'à Gatineau pour venir à Géanimé pour vous dire la qualité de l'événement. Puis là, une belle dealer's room aussi, je pense. Oui. Tu as fait ton tour, puis tu as fait beaucoup d'achats avec Madame. Marie-Camille Carrier, qui est une collaboratrice à l'occasion aussi, qui est ta conjointe. Oui, qui est assise à côté de moi. Ouais, oui, effectivement, là, qu'on peut pas elle voir. Elle fait des visages en ce moment. Oui, c'est ça. Elle est dans l'angle mort. Et là, gros achat, mais qu'est-ce que tu penses de la dealer's room? Moi, j'ai été impressionné justement. Beaucoup plus de stock. Je pense que les marchands sont au rendez-vous justement parce que les festivaliers sont au rendez-vous aussi. Les gens achètent. Ça achète pas mal à Géanimé, moi j'ai remarqué ça. Oui. Moi aussi, je suis au rendez-vous. Mais effectivement, beaucoup de beaux produits. J'ai été tenté à plusieurs reprises, je dirais. Autant comme vous parmi les deux. Et tu as succombé assez rapidement. Oui, aux petites figurines Funko, évidemment. Moi, une petite critique par rapport à la Dealer's Room de cette année, c'est l'entrée où l'allée principale en entrant est vraiment petite, qui ralentit le trafic. Puis il y a deux beaux comptoirs vraiment intéressants. Un comptoir de jeux rétro Je me rappelle pas du nom du marchand. Il est là chaque année. The Dragon. Ouais, c'est ça. Moi, je suis toujours impressionné à chaque fois de la collection de jeux rétro qu'il a. Et de l'autre côté, des marchands qui ont des petits bobbleheads, d'ailleurs, dont vous avez acheté plusieurs. Oui, beaucoup de spécimens. C'est ça. Puis là, pour le Dealer's Room, belle place. Toi, tu as fait des panneaux. On sait ce que c'est les panneaux. On en a parlé, c'est les ateliers. Tu as parlé du piratage. Oui. Tu as parlé aussi... qu'être otaku à 30 ans, ça se peut, mais c'est différent également. C'est difficile. On a, je pense, comme je dis dans le panel, il y a un peu un écart générationnel qui est plus grand que parmi... Parce qu'une génération, en termes, genre, je parle de fandom, on parle d'environ 5 à 10 ans. Je crois qu'il y a une différence. Ça a toujours été le cas. Je veux dire, moi, j'ai été tanné à mon époque pour les gens plus vieux avec mon Dragon Ball, mon Gundam Wing. Ouais. Tu le sais aussi, t'as ouais, été comme c'est moi. C'est ça, ça t'a plaisir. Maintenant, on a une génération, je pense, qui clash un peu plus parce qu'ils intéressent pas seulement à l'animé, c'est la culture autour du cosplay de la convention. Ce qui fait que, justement, je crois que c'est très différent de ce que ça a déjà été. Puis je crois que ça va faire évoluer les conventions dans une autre direction, justement. Ouais, tout à fait. Là, c'est tout le monde... Tout le monde trouve son compte quand même. Oui. C'est le fun, les conventions, ça sert à ça. C'est la rencontre des générations. Puis absolument qu'on rencontre du monde ouvert. C'est on partager peut en son parler, savoir. C'est partager ses connaissances, sa passion. Je pense que plus que, on est quoi, 2000, 2300 personnes? Aujourd'hui. Ah, pas 2000, excusez, 1300, 1400. Ouais, à peu près. Facile, qui sont là pour triper ensemble. Je crois que c'est quelque chose de fondamental en tant que communauté de fans. Puis là, quand on arrive, on a eu des beaux invités cette année. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion et de... moi. Ben, entre autres. Puis Puissance Maximale était là, comme à l'habitude. Mais là, j'ai eu l'immense honneur, en fait, de parler avec Mme Jackie Berger, une doubleuse, une comédienne qui fait du doublage en France. C'est une légende. C'est une légende parce que cette femme-là, vous allez entendre sa voix, vous allez entendre tantôt une dédicace qu'elle nous a fait pour l'émission La Voix d'Esteban dans les Cités d'Or. Vous entendez sa voix, vous savez, pour les jeunes de notre génération, même plus vieux, des fois un peu plus jeunes même, vous allez reconnaître cette voix de petit garçon-là qu'elle avait dans ces années-là. Vous la reconnaître tout de suite. Elle a fait des centaines de projets. En plus, c'est une dame très gentille. Très gentille. Moi, j'ai travaillé. Ben, c'est ça, moi, il me reste une entrevue publique à faire avec elle. Une dame généreuse, très gentille. Dis-moi, Julien, j'ai peut-être pas été un invité, mais qu'ai-je fait de ma fin de semaine? Mon nom est Mickaël. D'ailleurs, tu m'as appelé Julien. Ben, c'est pas que c'est pas que c'est méchant. C'est ben, un beau nom. À vous deux, en fait. Mickaël et Julien, qu'est-ce que j'ai fait? Mais Andrew Castegan était là pour des activités dont on a fait un panel sur Puissance Maximale. On a eu une ovation debout. Oui, on a eu une ovation debout. On parlait avec Andrew le demain tout un panel sur les jeux vidéo. Oui. Tu m'as aussi assisté pendant les entrevues pour le micro parce qu'on a des problèmes partout où on se présente à Puissance Maximale. On a des problèmes de micro pendant la première entrevue. Et j'ai parasité activités. Parce qu'il y a eu deux activités. Merci Andrew d'avoir parasité mon activité. D'ailleurs, on a fait des activités ça, j'ai... deux fois. Non, mais avoue que t'as aimé ma présence. Ben oui. Ça te manquait, moi, en arrière, qui disais des insanités. Mais avant de parler de ces activités, mesdames et messieurs, on va retourner en musique rapidement et on va y aller avec une... Avant de continuer avec M. Materne, on va y aller avec une chanson, un classique. On a parlé avec de Mme Jackie Berger il y a quelques instants. On va vous passer, évidemment, le thème des Cités d'Or à puissance maximale. Et c'est parti, M. Castegan. Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. De retour à Puissance Maximale, on a entendu le thème des Cités d'Or et la dédicace que Mme Berger nous a fait. Awesome! Oh oui, ça, j'étais très content, très gentil. Moi, je l'entends pas. Vous ouais, c'est ça, c'est la première fois que je fais une émission pour mais l'écouteur. Mais nous, ils nous voient, toi, ils voient pas encore que t'es roux, fait qu'ils ont pas la confirmation de ta rousseur. À la fin de l'émission, tu viendras devant la caméra te montrer. Avec un paquet de fil qu'il cite, là. Tu bougeras pas de là. Donc, on va finir l'émission avec M. Matin. On va continuer, Julien, de parler des activités qui ont été faites. On va parler, en fait, de deux activités. Ici, Janimé et le show du gros Baca. ici, Janimé, c'est basé sur le concept de ici Louis-José Houde. Et un peu le web-show pour les ceux qui suivent G4 Tech TV. C'est qu'on, finalement, ce qu'on présente, c'est des extraits d'animés, de séries animées. De non-sens, de scènes qui sont mal vieillies ou complètement absurdes. Et tu commandes par-dessus ça avec, avec des acolytes. Là, cette année, je pense qu'il y avait M. Piron. C'est Luc Piron, directement, qui s'était déplacé avec des extraits de son cru. Puis là, on avait ça. C'était vendredi que ça s'est passé. Vendredi. Ça s'est bien passé. Ben, je crois qu'il y a des petits problèmes techniques. Oui, au malédiction à chaque jeu animé sur cette activité. L'année dernière, c'était les équipements informatiques qui avaient complètement lâché. Cette année, c'était le projecteur qui n'était simplement pas assez fort. Donc, il a fallu approcher tout le monde. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu. On a le technicien de Janimé qui nous attaque pendant l'émission. mais quand même... C'est devenu un running gang pendant le show du gros Baca. Mais quand même, il y avait du monde présent lors de l'activité qui ont bien aimé. Et là, autre activité qu'on a fait, et ça, c'est une nouveauté, une nouveauté, le show du gros Baca. Et là, le mot Baca, en fait, c'est un ça peu... C'est-à-dire idiot en gros cave. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai scrappé le plan comme un champion. Ben non, t'as amené quelque chose d'intéressant. Mais en fait, t'as amené une curveball, puis c'était correct. En fait, c'est... En fait, il y avait juste des curveballs. C'était un ensemble chaotique, prêt à exploser. Moi, déjà, avec mon caractère de cochon, notre ami Lexi... membre du staff de Janimé et son Yakadiyak Bichi. Et Jeff Bibo, qui est l'être le plus absurde que je connaisse. Qui est un autre invité aussi de Janimé 2013. En fait, pour situer les gens, le show du gros Baca, c'est basé sur un peu le concept... Un golf soir de Jean-François Mercier. Un peu sur l'humour de stand-up... Gras, faut dire, ouais, c'est ça. Quand je gêne pas de se dire, comme on dit là, dans les télévisions et les radios... disons, de Québec, des fois, là, on dit les vraies affaires. Ah oui. On vous le dit d'en face, c'est cru, c'est méchant, mais c'est drôle. Mais on était présents lors de la... En tout cas, nous, on était... Vous avez même participé? On a même participé, là. C'était pas prévu, mais j'ai montré mon viril tatou sur scène, d'ailleurs. Tu peux le faire encore, d'ailleurs? Non, je ne le ferai pas présentement. Non, Mathieu, I ça va aller. I dare you. Et on a, Andrew t'es, a fait... T'es pas game. T'es non, pas game. Effectivement. Et Andrew a fait plusieurs interventions lors de l'activité ouais, également. C'était pas la seule activité. Même ici, j'ai animé, j'étais lâché une craque immense envers Luc Biron, le président. Et il ne m'a jamais reconnu. Et je me suis amusé à laisser flotter le suspense. Puis là, dans l'émission, dans l'activité du gros Baca, moi, j'étais présent. Il y a eu du monde quand même pas mal. Pas mal, ouais. Puis ça arrive aussi. Pour une première expérience, t'es content? Oui, content. Une expérience qui va se renouveler les prochaines années? J'ai l'impression que oui. Ça dépend. Il faudra prendre continuer à rebâtir l'équipe un petit peu. Sûr qu'à trois, ça se fait, mais c'est difficile. Mais c'était quand même une activité de 2 heures. Là. C'est ouais, long, quand heures. Même. Fait que là, tu es en train de dire, tu veux qu'on refasse un caméo puissance maximale et qu'on t'envoie une promenade. D'ailleurs, tu étais présent lors de l'activité avec ton chandail puissance maximale. Parce que, mesdames et messieurs, nous avons les t-shirts de puissance maximale qui ont été, livrés. On vous garantit, si vous les portez, vous êtes 50% plus viril dans le cas des garçons et 50% plus sexy dans le cas des dames. Et oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des demandes, ceux qui en veulent des t-shirts, on va en faire réimprimer s'il y a une demande assez suffisante. Pour ça, donc, ça on, en a déjà un avec M. Charon là, derrière la caméra là, qui nous dit qu'il en veut un. Et ça nous prend des gemmes sur la page Puissance Maximale. Ouais, venez nous aimer sur Puissance Maximale puis envoyez-nous des messages. Aimez-les parce qu'ils vous aiment. C'est ça. T'sais, nous autres, on est prêts à donner de l'amour, mais pour en recevoir. Et tout le temps. C'est du kiff-kiff. Un peu de tendresse. Donc, à réitérer pour l'année prochaine, penses-tu que tu vas changer un peu ta formule ou ça va... Je crois qu'on va peut-être planifier, faire un plan plus solide puis... Et c'est pas sans de prévoir les balles courbes, mais de pouvoir mieux travailler autour. Tu sais, Julien, je suis un être imprévisible. Mais, tu penses-tu que tu vas plus scripter un peu tes trucs ou tu veux garder ça plus... Mais je sais qu'il y a des parties qui étaient très fortes, puis qu'il y a beaucoup... En tout cas, moi, j'aime beaucoup improviser. Lexi aime beaucoup improviser. Ça veut répéter l'expérience, on continuera. Jeff improvisait moins, était plus scripté. Mais c'est certaines parties, bon, par contre, qui auraient dû être plus scriptées, qui ont été plus faibles, que j'ai, qui fait qu'on coupe assez rapidement. On se rend compte que ça n'arrive pas, on change. Ouais, mais c'est ça, ça, de c'est disque. Pour une première expérience, surtout dans le domaine comme ça, de l'humour, il faut savoir jauger. Le stand-up comique. Ouais, c'est ça. Quand on va aller dans l'improvisation, souvent, peut-être parfois dans les transitions la prochaine fois, ouais, au lieu de faire des longs moments. Des fois, c'est plus difficile. Donc, ce sera une. Mais ça a été très populaire. On était là, on était présents, on a même participé. Je crois que le monde a beaucoup apprécié. Comme dit, ça va prendre à travailler à plus longue haleine la prochaine année, parce que c'est sûr que c'est une première fois qu'on l'essayait, on a mis des efforts beaucoup, mais c'est sûr qu'on les a mis dans les derniers mois et pas seulement au courant de l'année. Ce serait probablement quelque chose à planifier sur plus long terme à la prochaine reprise. Tu veux garder la formule de 2 heures pour l'année prochaine ou On verra ce que la direction dira. Excellent. Bon, ben merci beaucoup, Julien, d'être passé plaisir à l'émission. Merci et, à tous. Et on va terminer ça parce que, oui, mesdames et messieurs, chaque bonne chose a une fin. Et c'est la fin du spécial Puissance Maximale à GANimé 2013. On voudrait remercier M. Luc Biron et toute son équipe d'organisation qui nous accueille à chaque année pour réaliser ça. Même Philippe de Rouville, là, qui est derrière la caméra, la loi, qui est le chef de sécurité, qui nous donne des passe-droits, là, qui nous permet d'aller dans les coulisses de GANimé. M. Mathieu Charon à la technique, qui a assisté M. Andrew Castegan à la mise en onde. Et. À la mise en onde, on peut dire ça comme ça. Et tous les festivaliers. Oui, merci à tout le monde d'avoir été là. C'est, plus il y a de monde. Tout le monde dans la salle de gaming, c'est un public extraordinaire. Effectivement, quand même. Il est 11h présentement, il y a encore du monde et la convention ferme dans à peu près 1 heure. Il y a encore du monde pas mal sur le Confloor. On est vraiment contents. Donc. Félicitations à GANimé pour encore une belle année. On vous rappelle en terminant que Puissance Maximale, c'est également un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller chercher toutes nos anciennes émissions, podcasts, les nouvelles qu'on poste également sur le site. Allez sur Facebook, allez taper Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver assez facilement. Allez appuyer sur le bouton « J'aime » parce que nous aussi, on vous aime. On vous rappelle que les T-shirts, on a tout vendu ce qu'on avait, mais si on a des demandes via les messages privés par Facebook, on va en faire réimprimer, mesdames et messieurs, si on a une grosse demande. Merci beaucoup à M. Andrew Castegan pour la mise en onde. Je le répète, merci d'être là chaque semaine. Merci de ta participation à GANimé encore cette année. De plaisir. Excellent. Continue à être roux. Oui, continue à être roux parce qu'il faut être roux, en tout cas dans ton cas. Là, ça amène de la couleur dans nos vies. Et mon nom à moi est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là. Et je vous souhaite, comme à mon habitude, une excellente semaine de jeu. I got a big broad sword made out of cardboard, and that stereo's a pumping zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify, it's D&D. Virgins till the day we